J'ai donc passé toute la journée aujourd'hui en compagnie de centaines de psychiques, psychiques, médiums, extralucides, clairvoyants, clairaudiens, venant des États-Unis, d'Europe, et d'Afrique et du Canada, de partout. C'est donc, ils appellent ça ESP, Psychic Expo. Donc un espèce de salon international sur les perceptions extrasensorielles et le développement du psychisme, etc. Et j'ai un kiosque d'information là sur mes activités. Puis à côté de moi, il y a tout un appareillage électronique sur 20-25 pieds. Aujourd'hui, la technologie est rendue à ce niveau-là. Alors, il y a des appareils à capter les ondes, les infras, les ultras, photographie kirlian très, très développée, etc. Puis le kiosque qui était à côté de moi, c'était justement un de ces fameux appareils kirlian, donc à photographier l'aura, les corps d'énergie, etc. Puis je regardais ça un peu d'un œil suspect, et la personne qui était là est venue me dire « Est-ce que vous seriez intéressé à ce qu'on vous prenne la photographie de votre aura ?» J'ai hésité un petit peu, je lui dis oh, « Pas plus que ça ». Elle dit « Est-ce que vous êtes impressionné ?» Je dis « Non, c'est peut-être justement le contraire, je suis tellement peu impressionné que j'ai l'impression que je vais même pas impressionner la pellicule. » Mais elle dit « C'est intéressant, venez, on va faire un essai. » Fait que finalement, j'y vais. Elle prend la photo, puis voici le résultat. C'est vraiment très spectaculaire. J'ai vu toutes sortes d'appareils Kirlian à date miniaturisée et tout, mais jamais aucun ne rendait l'aura avec autant de précision que celui-ci. Alors, on voit au moins 3 champs d'énergie là-dedans, qu'elle m'a expliqué, qu'elle m'a décrite. Je vous ferai pas toute la description, mais en résumé, elle m'a dit que j'étais un intellectuel occulte, psychique, avec une grande énergie vitale. Alors voilà, le rouge signifie l'énergie vitale, l'intensité du corps vital. Les autres points lumineux au-dessous, l'or, la couleur or et jaune, ce serait donc l'intellect occulte d'après elle. Et puis tous les points blancs autour, ce serait donc des facultés médiumniques latentes d'après elle qu'elle aimerait me voir développer, etc. J'ai trouvé ça intéressant parce que j'avais justement pas d'introduction à cette conférence-là. Ça en fait toute une, ça, d'introduction sur la multidimensionnalité de l'homme. On a une preuve ici, entre guillemets, expérimentale de ces corps ou de cette multidimensionnalité. Maintenant, je ne sais pas si ça a une valeur réelle. Est-ce que c'est un trucage? Est-ce que c'est une impression de pellicule? Est-ce que c'est de la lumière qui imprime sur la pellicule plus que l'appareil qui serait récepteur d'une lumière dégagée par le corps? Je ne sais pas. Fait que je voudrais vous soumettre ceci, puis dans un premier temps, me dire ce que vous pensez de l'aura en tant que phénomène général. Est-ce que vous accordez du crédit à la perception de l'aura, au diagnostic posé sur la perception de l'aura aussi, une nouvelle branche qui est en train de se développer? Oui, effectivement, l'homme est fait d'énergie. L'homme est une machine de radiation, il irradie constamment. Et les hommes ont différents taux vibratoires, et la science, cette science-là, va se développer, va aller très loin. Éventuellement, elle servira même à diagnostiquer la maladie humaine, et ainsi de suite. C'est absolument valide. Le problème avec la science face à ce phénomène-là, c'est l'attitude des gens. La seule chose, là, que... D'ailleurs, le phénomène de l'attitude, pour moi, c'est un phénomène qui est absolument bouleversant. Il y a des choses dans le monde, dans la vie, qui sont réelles. Le poltergeist, c'est réel. Les entités, c'est réel. L'astral, c'est réel. Il y a toutes sortes de niveaux de réalité. Mais où je... Où je mets des barrières, en tout cas moi, c'est en ce qui concerne les attitudes que les gens ont face, soit à l'invisible, soit

Il faut de l'échafaudage pour monter une bâtisse. Mais si vous montez une bête